jamais. Pourrions-nous nous lasser du beau temps? Nous nous posons. C'est une question de saison. C'est l'un de l'autre. Pourrions-nous éviter l'éphémère? Que nous nous posons. À la con. Les orages, mais là-dessus.